avec la promesse que ces notes, c'est un cahier de notes. Hein. Oui, c'est... Ce n'est que ça. C'est absolument pas pour retranscrire l'interview. Pour diffuser, c'est pas pour diffuser. Non, non.